Dans le village des Halls vit une famille bizarre. Des bestioles poilues aux longues oreilles blanches et noires. L'une d'elles en habit bleu et casquette de Pac-Man est partie en voyage pour sauver le village. Il est accompagné d'un truc volant bleu et rond. Il s'appelle Yupo, il se planque dans une grosse bague. Il ressemble à un blob de Dragon Quest, ça a l'air cool. Mais il cache une grande force pour aider le petit gars. Il parcourt les mers, les forêts, le ciel. Il parcourt l'espace et les arcs-en-ciel. Rien ne l'arrête, il file et attrape les bébêtes sans jamais tomber par terre. Clonoa, tu es une bestiole noire. Es-tu un chat ou un lapin, ça je ne le sais pas. Je ne sais pas. Nos rêves dans nos songes, tu te balades. C'est ton destin de nous sauver, fils du vent, Clonoa. C'est toi qui voyages à la Mario dans les pays. Différents peuples tu rencontres, ça le fait chich Koopa. Un monde dans le ciel, un monde de flotte et une forêt. Mais ton préféré c'est quand même ta vieille plaine. Un sorcier démoniaque veut répandre des cauchemars pour conquérir le monde et le détruire parce que c'est marre. Mais Clonoa sera là pour faire la peau sorcier noir. Avec les deux ses amis, il triomphera. Il parcourt les sept mers à dos de chèvre. Il parcourt 30 pays et les deux sèvres. Rien ne l'arrête, il file et attrape les bébêtes sans jamais tomber par terre. Clonoa, tu es une bestiole noire. Es-tu un chat ou un lapin, ça je ne le sais pas. Je ne sais pas. Nos rêves dans nos songes, tu te balades. C'est ton destin de nous sauver, tu suivant Clonoa. Va vite Clonoa, sauver le monde de nos rêves. Ramène la princesse lunaire sur la lune à son père. Que le monde aille mieux avec son chant du réveil. Et qu'on se réveille le matin en fête. Il parcourt la PlayStation et la Wii. Il parcourt la GBA, la DSi. Rien ne l'arrête, il file et attrape les bébêtes sans jamais tomber par terre. Clonoa, tu es une bestiole noire. Es-tu un chat ou un lapin, ça je ne le sais pas. Je ne sais pas. Nos rêves dans nos songes, tu te balades. C'est ton destin de nous sauver, fils du vent, Clonoa. Clonoa. 最後まで聞いてくれてありがとう!